problème, non pas besoin de plus. Problème, non non non non. Problème, non pas besoin de plus. Problème, non non non non. Oh mes amis, garde au crise. Depuis ma dem nan kay la, mais pas qu'à sortir. Moi et ma confam qui pas manger, on y est qui chaud. Singe mal en passe, mal y pas permettre un chaud. Téléphone pas canan même, sa bagay sa y la même. Ou met veillem nan la même. Oh non, non. Téléphone pas canan même, sa bagay sa y la même. Ou met veillem nan la même. Ou y sa jigwe. Depuis mon nan kay la son di. Baka kouche m baka kampe. Bagi bouche mèm pou m pale. Se mèt pou tou ki jan gen problem. Gen problem. Se mèt pou tou ki jan gen problem. Gen problem. Ou ka son premye téléphone. Deuxième téléphone, ou pas cas son troisième. Non, non, t'as des mademoiselles. M'conscience, c'est moi que t'as la merde. Ou tenté à baby. Ou t'es déjà qu'on est des bois avec. Ou qu'a fait jalousie. N'a pas un peu de chalet. Il t'aimerait les anti-sous. J'aimerais au campé la vraie. Il l'est au campé sous cous. N'a pas un peu de chalet. Il t'aimerait les anti-sous. J'aimerais au campé la vraie. Il l'est au campé sous cous. Depuis mon gars là son livre. Baka couche m baka campé. Bagé bouche même pour parler. Oh oh oh oh yeah. C'est mec pour tout qui j'en gagne pour d'être. M'gagne pour d'être. C'est mec pour tout qui j'en gagne. Pas besoin de plus, problème, non, non, non, non, problème, non, pas besoin de